J'ai vu ton visage dans le ciel, ta silhouette s'envoler. Moi j'ai des billets arc-en-ciel, elle veut d'un monde coloré. Je ferai tomber les étoiles sur toi, comme les flocons de Noël. Si t'as des problèmes, dis-moi, je serai tes yeux et tes oreilles. Et dans mon cœur y'a plus de place, si c'est pour toi j'en ferai. Je me ressens déjà en toi, sans le besoin de t'effleurer. Je suis un rat, puis rien que pour toi, le drapeau blanc je vais déployer. Si tu veux déménager, on changera de fuseau horaire. Je serai ton roi, ils veulent nous faire un coup d'état. T'es la reine du Tchekar, je leur ferai la vendetta. J'achète ton cœur en gros, je fais pas trop dans le détail. Tu me vois sur l'écran plat, t'as peur que je te remplace. Moi quand j'aime c'est pour de vrai. Moi quand j'aime c'est pour de vrai. Un peu d'amour, beaucoup d'oseille. Chez nous on sait qui sont les vrais. Je compte ma solia dès le matin. Avec toi personne m'atteint. Un peu de toi, beaucoup de rêves. Elle est légère comme le machin. J'vole son âme à l'arracher. Le regard fin, corps de rêve. T'as les yeux noirs, les sentiments tamisés. J'me regarde dans le miroir, j'me dis que demain ça ira. J't'aime de Paris à Seymour, j'veux pas juste m'amuser. J'te garde dans ma mémoire, plus de gigas que la caméra. J'suis à deux doigts de regretter, si j'te perds j'me sens endetté. J'ai des victoires en vue, c'est avec toi que j'veux les fêter. Là-bas qu'au toit on verra ça, nos yeux se sont embrassés. Y'a de l'amour dans la masse, si je filme j'peux plus m'en passer. Je serai ton roi, ils veulent nous faire un coup d'état. T'es la reine du Tchekar, je leur ferai la vendetta. J'achète ton cœur en gros, je fais pas trop dans le détail. Tu me vois sur l'écran plat, t'as peur que je te remplace. Moi quand j'aime c'est pour de vrai. Moi quand j'aime c'est pour de vrai. Un peu d'amour, beaucoup d'oseille. Chez nous on sait qui sont les vrais. Je compte ma solia dès le matin. Avec toi personne m'atteint. Un peu de toi, beaucoup de rêves. Elle est légère comme le machin. Je vole son âme à l'arracher. Le regard froid, un corps de rêve. Moi quand j'aime c'est pour de vrai. Moi quand j'aime c'est pour de vrai. Un peu d'amour, beaucoup d'oseille. Chez nous on sait qui sont les vrais.